Le comité préparatoire pour les journées du soleil et de la brillante étoile est constitué le 7 courant au comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour le territoire de Khabarovsk et le comité préparatoire angolais pour les journées du soleil et de la brillante étoile le 8 courant à Luanda. Les comités préparatoires ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme colloques et séances de films pour exalter les vies révolutionnaires sacrées et les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité préparatoire pour célébrer la journée de la brillante étoile est constitué le 6 courant sous les auspices du comité du territoire maritime du Parti communiste de la Fédération de Russie.